L'origine et l'évolution du système solaire constituent l'un des mystères les mieux gardés par la nature. Pour résoudre ce mystère que l'on peut apparenter à une scène de crime sans témoin, un détective mène depuis des années l'enquête en partant de notre système solaire actuel pour remonter aux sources chaotiques de sa formation. En 2005, notre Sherlock Holmes a proposé avec ses associés un modèle qui a changé notre compréhension de la structure actuelle du système solaire et ouvert la porte à une compréhension nouvelle de ses premiers âges. Ce modèle, c'est le modèle de Nice et le détective s'appelle Alessandro Morbidelli. Alessandro Morbidelli, le top modèle de Nice, c'est l'investigation chaotique que nous allons mener dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Alessandro Morbidelli. Bonjour, bonjour. Désolé pour ce titre de mauvais polar, mais on va vous rassurer tout de suite, l'enquête va être passionnante. Vous êtes mathématicien, mécanicien céleste et planétologue, directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur de Nice et président du groupe thématique Système solaire du CNES. On vous retrouve dans un instant, mais avant de retracer ensemble l'histoire mouvementée de la formation du système solaire, nous retrouvons, comme chaque jour, celle qui fait le tri dans le chaos de l'actualité scientifique. Il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence avec une étude parue hier dans la revue Nature. Nous aurions découvert l'étoile la plus lointaine jamais observée dans notre univers. Oui, grâce aux observations du télescope spatial Hubble, une équipe internationale a découvert, dans une de ses observations de champ profond, une signature dans la lumière ultraviolette d'une étoile. Une étoile à 12,9 milliards d'années et qui correspond à un moment où l'univers n'avait que 900 millions d'années. Elle a été baptisée Arendelle, ce qui signifie en ancien anglais « étoile du matin », car nous sommes vraiment à l'aube de l'univers. Arendelle fait partie des étoiles les plus massives connues à ce jour. Elle ferait 50 à 100 fois la masse du Soleil et elle aurait une luminosité 2 millions de fois supérieure. Si cette détection est confirmée, cette étoile sera la plus vieille ou la plus jeune jamais observée et cela nous permettrait de mieux comprendre les toutes premières étoiles après le Big Bang. Anaëlle Maury est chercheuse au CEA dans une unité mixte avec le CNRS et l'Université Paris-Saclay. Elle travaille sur la formation des étoiles. Donc c'est très important parce que ça va nous aider à mettre des contraintes sur les propriétés des étoiles qui se sont formées dans l'univers jeune, qui pour l'instant n'ont jamais été observées. L'univers jeune, en fait, il faut savoir que tous les métaux, donc nous en astrophysique, ce qu'on appelle les métaux, c'est tout ce qui est plus lourd en gros que l'hydrogène, donc tout, sont formés dans le cœur des étoiles. Donc il faut déjà former des étoiles pour pouvoir former des éléments lourds, donc tout ce qui constitue notre planète, nos corps, etc. Et donc, quand l'univers était très jeune, il a fallu du temps pour que les premières étoiles se forment. Et donc, les premières étoiles se sont formées sans métaux. Et donc, elles sont probablement très, très différentes des étoiles qu'on voit autour de nous dans notre galaxie, telle qu'à l'heure actuelle. Donc, pouvoir les observer nous permettrait non seulement de mieux les comprendre, comme ces étoiles, mais aussi de comprendre comment, justement, elles ont enrichi le milieu jusqu'à ce qu'on arrive à une métallicité typique de celle qu'on connaît dans notre propre galaxie. Mais comme elle est très très loin, en théorie, on ne devrait pas pouvoir l'observer, elle devrait être très très faible. Et la chance qu'il y a eu, c'est que sur le chemin de la lumière entre cette étoile et nous, il y a ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle, donc un amas de galaxies très massif qui permet de défléchir la lumière et de la magnifier comme une loupe. Et donc, c'est grâce à cette loupe qu'on a pu observer cette étoile qui serait très massive et très lumineuse, mais étant très loin, ne pourrait pas être observée dans des conditions normales. Voilà, donc après, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il reste encore des incertitudes sur ce résultat, parce qu'il est très improbable d'observer une étoile aussi massive. Hein. Elles ont des temps de vie très courts, les étoiles massives. Donc, pour l'instant, il manque encore des informations pour pouvoir valider cette découverte, et notamment l'information de pouvoir mesurer la taille de cet objet qui émet de la lumière, qui pour l'instant n'est pas bien déterminé. Et pour cela, on a un télescope, je pense qu'on vous a entendu parler, qui s'appelle le James Webb, qui a été lancé à Noël dernier et qui devrait observer cette étoile normalement cet été ou à l'automne et puis confirmer par spectroscopie notamment sa nature. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude et les suivantes sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans PNAS, il reste encore des centaines d'espèces de mammifères à découvrir. Oui, et elles se cachent peut-être sous nos yeux. On sait que seuls 1 à 10% des espèces de la planète ont été formellement décrites. Des chercheurs américains ont voulu identifier les espèces de mammifères qui pouvaient en fait contenir différentes espèces cachées. Grâce au machine learning, ils ont analysé 1 million de séquences génétiques de plus de 4300 espèces connues. Selon leurs résultats, 80% des espèces mammifères ont déjà été découvertes. Les espèces cachées sont plus susceptibles de se trouver dans les forêts tropicales humides où l'on observe déjà une grande biodiversité. Et il s'agit plus probablement d'animaux de petite taille, aux différences donc plus discrètes, comme des chauves-souris, des rongeurs ou des taupes. En bref, toujours, selon une étude parue dans PNAS, pour la première fois, nous venons d'observer un mammifère se reproduire par parthénogenèse. Ce mode de reproduction monoparentale est courant chez les végétaux ou les reptiles et on pensait qu'il était impossible chez les mammifères. Alors, grâce à la technologie de CRISPR-Cas9, des chercheurs chinois ont modifié génétiquement des ovocytes de souris non fécondées. Ils ont ciblé 7 régions génétiques importantes dans le développement de l'embryon. De cette façon, ils ont mimé le processus d'empreinte génomique parentale, un phénomène épigénétique essentiel pour la reproduction sexuée. Après avoir implanté ces embryons OGM dans des mères, 3 souris sont nées, 1 a survécu. Cette étude prouve qu'en modifiant l'épigénome, la parthénogenèse peut être obtenue chez les mammifères. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Journal of Geophysical Research Earth Surface, les dunes de sable respirent de la vapeur d'eau. Mais une équipe française a utilisé une sonde extrêmement précise et sensible aux minuscules films d'eau absorbés sur les grains de sable. Cette sonde, enfouie dans les dunes du désert du Qatar, a enregistré toutes les 2 minutes et pendant 2 jours l'humidité avec une résolution millimétrique. Il se trouve que les dunes inhalent et exhalent de minuscules quantités de vapeur d'eau. À mesure que le vent souffle sur le dessus, l'humidité de la surface est transférée vers le bas de la dune. C'est peut-être cette respiration, entre guillemets, qui permet aux bactéries de vivre dans les profondeurs sans eau liquide. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine. Alessandro Morbidelli, nous allons avoir le plaisir de discuter tout au long de cette heure de vos travaux en planétologie, en mécanique céleste, en astronomie. Nous parlerons bien évidemment de l'importance qu'a eu le modèle de Nice, mais aussi d'autres travaux conduits ensuite, notamment le modèle du Grand Tac, plus tard en 2011. Avant cela, on peut peut-être remonter à vos origines à vous et aux origines de votre passion pour le ciel. Alessandro Morbidelli, bien évidemment, nous a quittés et c'est le meilleur moment pour nous quitter. Mais on va le retrouver dans un instant, rassurez-vous, puisque on l'avait joint par Skype et on va vous retrouver dans un instant avec Alessandro Morbidelli, astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice, responsable en partie du modèle de Nice. On le retrouve dans un instant. France Culture, la méthode scientifique. Antoine Beauchamp. On appelle ça les aléas du direct et on remercie la technologie d'être rapide pour vous retrouver aussi vite Alessandro Morbidelli en direct de Nice et par téléphone cette fois. Alors je le disais, on va évoquer, il n'y a aucun problème, on va vous retrouver, on vous retrouve à l'instant et c'est très bien ainsi. On va évoquer bien évidemment tous vos travaux au courant de cette heure, mais comme on a la chance de vous recevoir en tête à tête ou quasiment en tête à tête, on peut peut-être remonter, puisque vous vous intéressez aux origines et notamment aux origines du système solaire, on peut s'intéresser de notre côté à vos origines à vous et aux origines de votre passion pour le ciel. Déjà, dans quel environnement est-ce que vous avez grandi et est-ce que la science était au cœur de votre foyer familial, de votre éducation? Oui, donc moi je suis italien, comme mon nom l'indique, et mon accent aussi, malheureusement encore. Donc j'ai grandi dans une famille, oui, avec une culture, disons, scientifique, mais pas astrophysique. Disons, mon père était chimiste, il travaillait pas à l'université, il travaillait dans un laboratoire industriel. Ma sœur aînée, 6 ans plus âgée, avait fait des études de physique à la fac. Donc voilà, je baignais un peu dans cet environnement-là, mais personne n'avait particulièrement la passion pour l'astrophysique. Moi, j'ai vraiment découvert les ciels nocturne en étant enfant. À l'époque, on avait une maison des vacances sur les montagnes italiennes. C'est un endroit à l'époque très paumé et donc très très sombre. Et les soirs, je sortais dans les jardins pour essayer de vaincre un peu la peur du noir, hein, contre les enfants. Et en faisant ça, j'ai découvert que les ciels n'étaient pas noirs du tout. En fait, la nuit noire n'existait pas, parce que dès que les yeux s'habituent à la lumière, on voit assez bien les arbres, les ombres, etc. Mais surtout, j'ai découvert ces ciels avec cette voie lactée extraordinaire, et ça m'a vraiment bluffé. Je pense que c'est l'observation qui m'a marqué toute ma vie, et donc m'a orienté vers cette passion pour l'astronomie. Donc je commençais à lire des magazines spécialisés, pour un Noël, je ne sais plus lesquels. Évidemment, je vais demander comme cadeau un télescope, un petit réflecteur de 10 cm, avec lequel je commençais à observer la Lune, les planètes et les nébuleuses. Donc voilà, je continuais à m'intéresser à ça comme astronome amateur, tout en continuant mes études. À l'époque, donc on parle de 84, il n'y avait pas une vraie faculté d'astrophysique, au moins pas Milan où j'habitais. Donc j'ai fait physique aussi, en attendant la fin pour faire une spécialisation d'astrophysique au master. Et puis j'arrive au moment de choisir cette spécialisation au master, et là, à coup de massue, personne ne me prend un stage d'astrophysique à la faculté. Donc je me retrouve un peu coincé, je vais parler à un professeur que j'estimais beaucoup, que j'aimais beaucoup, et lui s'intéressait, par contre, il était plutôt mathématicien, il s'intéressait à la dynamique, au mouvement donc des corps célestes, un peu ce qu'on appelle la mécanique céleste, et surtout à la théorie du chaos. Et il m'a pris pour faire les stages de master avec lui, c'était passionnant, et à la suite de ces stages de master qui a bien marché, je voulais continuer un doctorat. Et encore une fois, la chance était de mon côté, c'était maintenant 88. En 1988, c'était la deuxième année où la Commission européenne finançait les bourses des thèses pour les gens qui voulaient faire une thèse à l'étranger, dans un autre pays de la communauté européenne. Donc j'ai candidaté, j'ai gagné, et je suis parti faire mon doctorat en Belgique, à l'université de Namur, en mathématiques, chez quelqu'un qui, à l'époque, était considéré être numéro un, justement, de la dynamique céleste, de la mécanique céleste, de la théorie du chaos, de la théorie des perturbations. Donc, j'ai fait mon doctorat en étudiant les mouvements des astéroïdes perturbés par Jupiter et Saturne sur leurs orbites partiellement excentriques. Et ce travail était mathématique, essentiellement, mais arrivé à un certain réalisme dans la description des mouvements. Et donc, ça commençait à intéresser les astronomes. C'est par biais-là, je suis arrivé à Nice. Ici à Nice, il y avait un groupe d'astronomes à l'époque, et ces astronomes travaillaient, faisaient des simulations numériques pour comprendre pourquoi certains astéroïdes ou leurs débris quittent la ceinture des astéroïdes, qui est normalement une zone entre Mars et Jupiter, pour acquérir des orbites excentriques et venir percuter la Terre. C'est ainsi qu'on a, par exemple, les météorites qui nous tombent au sol. Et ils avaient compris que mes études mathématiques pouvaient éclairer ces processus et interpréter les résultats qu'ils avaient obtenus numériquement par simulation numérique. Et donc c'est comme ça qu'en 1992, je suis venu à Nice comme post-doctorant, encore emploi précaire, et ensuite ça a très bien marché, donc l'Observatoire a soutenu ma candidature vis-à-vis du CNRS. 1993, le CNRS m'a recruté. Et donc, me voici depuis, avec une parenthèse 2007-2008 pour une année sabbatique aux États-Unis. Mais sinon, voilà. Votre parcours donc est marqué, donc on le comprend bien par l'étude de corps célestes, par les mathématiques. À partir de quand est-ce que vous êtes intéressé au système solaire dans son ensemble? Alors, mes études mathématiques étaient déjà placées dans les systèmes solaires comme environnement. Donc, c'est un peu le cas d'étude, le cas d'école. Mais en gros, on étudiait la dynamique de certains objets, astéroïdes, météorites, comètes, dans le cadre du système solaire actuel. Donc les forces exercées par les planètes étaient données, parce qu'on sait où sont les planètes, où c'est quelles sont leurs orbites. Il fallait rien imaginer, il fallait juste étudier la dynamique, étudier les équations du mouvement. C'est à partir à peu près de l'année 2000 que j'ai commencé à m'intéresser à la formation du système solaire, à l'évolution. Non pas comment le système solaire fonctionne aujourd'hui, mais comment il était dans les passés et il a évolué vers les systèmes solaires actuels. Et donc voilà, c'est là que j'ai commencé à faire cette enquête de reconstruction du passé du système solaire Entre-temps, les planètes extrasolaires ont été découvertes à partir de 1995. Mmh. Et donc, ceci a donné aussi tout un autre champ d'études. Donc, pas seulement étudier la formation de notre système solaire, mais les comparer aux autres systèmes planétaires qu'on observe autour des autres étoiles, qui sont très souvent très différents d'une autre. Donc, du coup, il faut comprendre aussi l'origine de cette diversité. Il faut comprendre pas seulement qu'est-ce qui peut se passer pour aboutir au système solaire tel qu'on les connaît, mais qu'est-ce qui peut dévier de cette trajectoire qui aboutit vers le système solaire pour former des systèmes planétaires complètement différents. Donc, c'est une nouvelle dimension de l'étude qui est très passionnante. Mais écoutez, puisque vous parlez du système solaire, on va mettre les deux pieds dedans. On les a déjà, les deux pieds dedans, mais on va y aller encore un peu plus. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On en arrive à pas de loup à l'enquête qui vous a valu une grande renommée, Alessandro Morbidelli, à ce modèle de Nice. Alors pour bien comprendre cette enquête, il faut en décrire les prémices et décrire peut-être la scène, l'environnement dans laquelle elle s'inscrit. Est-ce que, Alessandro Morbidelli, vous pourriez nous décrire les premiers âges du système solaire et à partir de là, quels principes universels font que des planètes telluriques et des planètes gazeuses se forment ? Oui, voilà. Donc, en mode général, quand une étoile se forme, elle est toujours entourée d'un disque de gaz et de poussière. C'est la conséquence naturelle des lois de la physique, notamment la conservation du moment cinétique, bon, peu importe les noms. Mais les gaz ne peuvent pas tous entièrement tomber sur l'étoile. Ils tombent sur l'étoile, mais une partie du gaz et des poussières doit former un disque autour. Déjà, Laplace l'avait compris au 18e siècle. C'est au sein de ces disques que les poussières commencent à s'agréger entre elles pour former des objets plus grands, macroscopiques, qu'on appelle des planétésimaux. Alors on peut penser aux astéroïdes quand ils sont rocheux dans le système, dans les disques internes, ou aux comètes quand ils sont faites des glaces dans les disques externes. Et on pense que les astéroïdes et les comètes qu'on voit aujourd'hui sont ce qui reste des planétésimaux qui se sont formés à l'origine dans les premiers millions d'années de la vie du système solaire. Et ensuite, ces planétésimaux peuvent rentrer en collision entre eux et donc s'agréger par leur propre gravité pour former des objets plus grands qui sont des protoplanètes. Alors les protoplanètes qui poussent d'abord, c'est des protoplanètes qui se trouvent suffisamment loin du Soleil pour qu'il y ait de la glace d'eau à disposition. La glace d'eau constitue 50% de la matière solide quand elle peut condenser. Donc c'est là qu'il y a l'environnement le plus favorable pour faire des grosses planètes, plusieurs masses terrestres, très vite. Et une fois qu'on atteigne quelques masses terrestres très vite, ces planètes peuvent attirer les gaz du disque, donc l'hydrogène et l'hélium, pour former des grandes atmosphères gazeuses. Elles deviennent donc planètes géantes comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mmh. À l'intérieur du disque, où là il fait plus chaud parce qu'on est plus près de l'étoile, les planétésimaux sont rocheux, il n'y a pas de glace, les choses continuent plus lentement. Et donc on forme des protoplanètes à peu près de la taille de Mars, mais il faut plus de temps. Et entre-temps, les disques de gaz disparaissent et les collisions continuent sur une échelle de temps plus longue, de l'ordre de la centaine de millions d'années, pour assembler les planètes telluriques, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars, telles que nous les connaissons. Donc ça, c'est la frise traditionnelle de la formation d'un système planétaire, comme on l'a imaginé depuis très longtemps, et aboutit justement à quelque chose de semblable au système solaire. À partir de là, justement, quel était le scénario admis avant que vous ne repreniez l'enquête à votre compte concernant la formation de notre système solaire ? On pensait que, en gros, les planètes s'étaient formées toutes à l'endroit là où elles sont. Sur leur orbite. Voilà. Sur leur orbite. Mmh, mmh. Et donc que, en gros, les systèmes solaires nés déjà comme nous l'observons aujourd'hui. Mais c'est pas possible parce que les planètes et les petits corps doivent naître dans un disque. Et s'ils naissent dans un disque, forcément leurs orbites originelles sont circulaires et coplanaires. Or, les orbites des planètes sont quasi circulaires et quasi coplanaires, mais les orbites des petits corps, justement ces planétésimaux qui restent, aussi bien dans la ceinture des astéroïdes qu'au-delà de Neptune, ne sont pas circulaires et coplanaires du tout. Elles sont excentriques, on dit, c'est ça? Elles sont ovales. Donc elliptiques, mais sont aussi inclinées. Donc les orbites des petits corps ne sont pas du tout sur les mêmes plans. On a même, très loin du système solaire, un réservoir des comètes, qu'on appelle les nuages des Oort. Il se trouve à 20 000 unités astronomiques de chez nous, donc 20 000 fois la distance Terre-Soleil. Et il y a des comètes absolument partout. C'est un réservoir sphérique, donc pas du tout un disque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on peut transformer un système qui initialement était plat, comme les anneaux de Saturne, hein, sur un disque, vers quelque chose qui n'a plus aujourd'hui cette structure de disque, au moins pour ce qui concerne les petits corps? Et en plus, les planètes géantes, comme je disais, se forment à l'intérieur d'un disque de gaz. On sait, on a compris, en plus en regardant les planètes extrasolaires, que quand les planètes se forment dans un disque de gaz, elles migrent les unes par rapport aux autres. Et la seule configuration stable à laquelle elles arrivent, grâce à ce processus de migration, est une configuration où les planètes sont en résonance entre elles. Ça veut dire que les périodes orbitales, les rapports entre les périodes orbitales, c'est un rapport de nombre entier. La période de Saturne est deux fois la période de Jupiter, la période d'Uranus, une fois et demie la période de Saturne, et ainsi de suite. Or, aujourd'hui, les orbites, les périodes des orbites des planètes géantes n'ont pas du tout ces rapports simples. Ont des rapports qui ne sont pas des fractions simples des chiffres entiers. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir eu une transformation du système solaire après la disparition du gaz du disque protoplanétaire, donc après les premiers 5 millions d'années, grosso modo. Et c'est ça a été notre démarche. J'étais pas seul ici à Nice, j'avais un postdoc qui travaillait avec moi, Cominius Tseganis, et deux visiteurs, hein, des États-Unis, Levison, l'autre du Brésil, Gomez. Et c'est donc les brainstorming, comme on dit, hein, la question sur laquelle on s'interrogeait sans cesse pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait bien être arrivé à notre système solaire pour partir de cette structure résonante et arriver à la structure que nous observons. Ce qui est intéressant, je vous interromps Alessandro Morbidelli, c'est que vous évoquiez le fait que depuis 1995, on découvrait des systèmes extrasolaires. Alors ça n'a pas forcément eu d'impact direct sur vos travaux concernant le modèle de Nice. En tout cas, ça a eu le mérite de mettre en évidence le fait que notre système solaire a pas mal de bizarreries. Alors vous évoquiez un petit peu voilà, ces planètes géantes. Est-ce qu'il y a d'autres bizarreries qui sont propres vraiment à notre système solaire et qui font que, d'un point de vue statistique, il ne ressemble pas au système extrasolaire? Oui, tout à fait. On a découvert, et c'était pas attendu du tout, que notre système solaire est assez exceptionnel. Tout au plus, une étoile sur 2000 pourrait avoir un système planétaire semblable au nôtre. Une sur 2000, c'est vraiment très très peu. Souvent, on voit, par exemple, des grosses planètes, quelquefois la masse de la Terre, très très près à l'étoile centrale. Ça arrive autour de 50% des étoiles. Donc il y a des planètes qu'on appelle les super-terres, 3, 5 masses terrestres, très proche à l'étoile centrale, beaucoup plus près que Mercure et du Soleil, par exemple. On n'a pas du tout ce type de planète chez nous. Dans 15% des cas, il y a des planètes comme Jupiter, mais ne sont pas du tout à la place de Jupiter. Elles sont aussi beaucoup plus près de l'étoile, ou alors ont des orbites très excentriques. Donc elles-mêmes, on doit avoir subi des perturbations extrêmement fortes, beaucoup plus fortes que celles que Jupiter lui-même a subies. Donc il y a toute une panoplie de systèmes planétaires possibles, et pourtant, ils doivent tous découler de la même physique, parce que la physique est universelle. Et donc il faut comprendre à quel moment dans l'évolution, gaz, poussière, petits corps, planètes, etc., il y a des bifurcations dans l'évolution de ces systèmes qui peuvent parfois amener à des systèmes comme les systèmes solaires, parfois et beaucoup plus souvent amener à des systèmes avec des super-terres très proches à l'étoile centrale, parfois amener à des planètes géantes sous des orbites très excentriques, parfois amener à des planètes qui sont même rétrogrades, c'est-à-dire qui tournent autour de l'étoile dans les sens opposés de la rotation même de l'étoile. Alors que dans notre système solaire, toutes les planètes sont prograde, tournent autour du Soleil dans le même sens de la rotation du Soleil. On en arrive à présent à ce modèle de Nice. Merci pour ces précisions. Alors pour faire ce travail, qui est un travail de simulation, qui a rencontré un très grand succès, j'imagine qu'il a fallu beaucoup de paramètres, qu'il a fallu prendre en compte beaucoup, beaucoup de paramètres. Est-ce qu'on pourrait quand même avoir un aperçu des principaux paramètres, ou en tout cas des éléments clés sur lesquels vous avez décidé de faire reposer ce modèle et de questionner le fonctionnement du système solaire? Oui, donc la démarche scientifique est celle que il faut imaginer une condition initiale et après on simule l'évolution du système à partir de la condition initiale qu'on a imaginée par les biais des simulations numériques et on compare les résultats finaux avec les observations. On ne peut pas simuler les systèmes solaires à l'envers, en arrière. Donc il y a toujours d'abord un travail de déduction, de supposition. Après, il y a un travail de simulation, après un travail de confrontation avec les données. Donc, nous avons imaginé que les planètes géantes, au départ, devaient être beaucoup plus proches entre elles. Aujourd'hui, le Jupiter est à 5 unités astronomiques, 5 fois la distance Terre-Soleil, mais Neptune est à 30 unités astronomiques, donc 6 fois plus loin que Jupiter. on avait imaginé que au départ, à cause de ce mouvement d'émigration, de l'hélice de gaz dans lequel elle s'était formée, les planètes géantes étaient plus proches entre elles et avec ces fameux rapports résonants. Donc, disons, Jupiter était à 5 unités astronomiques, mais Saturne était à 7,5. C'est un groupe compact, ces planètes géantes. Un groupe compact, ouais. Et Neptune était à 10 ou 12. Donc, un groupe très compact. Et que, au-delà de Neptune, il y avait un disque des petits corps, c'est un vrai disque, donc, orbite circulaire, orbite coplanaire, mais ces petits corps avaient, dans leur ensemble, une masse importante de l'ordre d'une vingtaine de masses terrestres. Et ce qu'on observe dans les simulations numériques, c'est que l'interaction des planètes entre elles et des planètes avec ces disques, à un moment donné, qui peut arriver tôt dans la simulation ou tard dans la simulation, selon certains paramètres qu'on choisit, les planètes deviennent instables. Et quand elles deviennent instables, les orbites deviennent excentriques, les planètes ont des rencontres proches entre elles, donc elles s'écartent, donc les orbites qui étaient très compactes, elles se dispersent. Évidemment, en s'écartant, Uranus, Neptune vont plus loin, rentrent dans ces disques des petits corps, les dispersent complètement. C'est la fameuse dispersion des petits corps qu'à la fin laissera les petits corps sur des orbites excentriques et inclinées. L'interaction avec ces petits corps permet de recalmer, remodérer l'excentricité des planètes. Et bon, voilà, dans certaines fractions des simulations, de l'ordre de 5-10%, on arrive à la fin avec un système planétaire qui ressemble au nôtre. Du point de vue des orbites planétaires, avec les planètes à 5, 10, 20 et 30 unités astronomiques, et aussi du point de vue de la dispersion de ces petits corps, et on retrouve donc les caractéristiques qu'on observe aujourd'hui pour les petits corps au-delà de Neptune, pour les nuages des Oort, pour les astéroïdes, pour les satellites des planètes géantes. Il y a aussi d'autres corps qui partagent l'orbite de Jupiter et de Neptune, qui s'appellent les Troyens. Finalement, dans les années, on a montré que par ce type de dynamique, on peut expliquer la structure du système solaire avec une grande fiabilité. Mais seulement dans un petit pourcent des simulations. Le système est chaotique. Donc ça veut dire des variations minuscules dans les conditions initiales ou dans les paramètres de l'environnement peuvent conduire à des évolutions qui divergent et qui donc aboutissent à des conclusions, à des structures finales très différentes. Dans 10% des cas, on aboutit à quelque chose qui ressemble beaucoup au système solaire. 90% des cas, on aboutit à des planètes très excentriques, on perd des planètes et toute autre bizarrerie qu'on peut après retrouver dans des systèmes extrasolaires. Et là, vraiment, la découverte des systèmes extrasolaires nous a aidés psychologiquement, a aidé la communauté psychologiquement à accepter ce type de modèle, parce qu'auparavant, on pensait que le système planétaire aurait dû sembler au nôtre. Donc, un modèle qui produit le système solaire dans 10% des simulations n'aurait jamais été considéré un bon modèle. Mais grâce à la découverte, la diversité des systèmes planétaires et le fait que le système solaire, justement, n'est pas le système type, ben, avoir un modèle que, dans 10% des cas, reproduit bien notre système solaire, c'est un bon modèle, en fait. 10%, c'est beaucoup. C'est beaucoup dans ce cas-là. 10%, c'est beaucoup. Oui. Alors, on n'a pas évoqué, parce que le système solaire est âgé d'environ 4,5 milliards d'années, on n'a pas évoqué la période temporelle, la fenêtre temporelle que vous étudiez avec ce modèle de Nice. On est aux alentours de 700 millions d'années après la formation du Soleil, c'est ça? Donc, en fait, on démarre dès que les gaz du disque disparaît. Donc ceci a eu lieu à peu près 5 millions d'années après la naissance du Soleil. Et les modèles de Nice découlent de là. Alors, cette instabilité que j'ai décrite tout à l'heure peut arriver relativement tôt, en quelques dizaines de millions d'années, peut arriver 700 millions d'années plus tard. Ça dépend de la distance entre Neptune et ses disques des petits corps qui se trouvent au-delà de Neptune. Si cette distance est petite, l'instabilité a lieu très vite. Si la distance est grande, l'instabilité a lieu tard. Alors évidemment, nous, on n'était pas là pour savoir si cette distance était grande ou petite. Alors qu'est-ce qu'ils font, les astronomes? Ils font comme les investigateurs de police, vous m'avez appelé Sherlock Holmes tout à l'heure. Donc on part des observations pour déduire. Donc on part des traces pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc, alors, si l'instabilité a eu lieu tôt, les petits corps ont été dispersés très vite. Et si l'instabilité a eu lieu tard, ben les petits corps sont restés sur ces orbites circulaires et coplanaires pendant longtemps, jusqu'au moment où l'instabilité se déclenche. Donc on se tourne vers les observations pour essayer de comprendre s'il y a quelque chose qui s'est passé et à quel moment. Et la Lune, là, nous renseigne pas mal, parce que la Lune est criblée de cratères. Vous pouvez la regarder même à l'œil nu, vous voyez des taches sombres. C'est en fait des grands cratères d'impact qui ont été remplis par des laves aujourd'hui solidifiée. Et si vous regardez avec des jumelles ou en télescope, ça crible les cratères. Mmh. Donc ces cratères ont eu lieu dans les passés de la Lune, après la formation de la Lune. Après l'émission Apollo, il semblait que les taux d'impact sur la Lune avaient été assez faibles tout au début, et ils se soient réveillés, ils sont devenus très grands 700 millions d'années plus tard, pour ensuite décroître vers les valeurs actuelles. Et alors, on s'est dit, ben, si c'est ça, l'instabilité dynamique probablement a eu lieu 700 millions d'années après la formation, après la disparition du gaz dans les disques. Parce que du coup, les petits corps sont dispersés au moment de cette instabilité, et voilà, et la Lune est bombardée au moment de cette dispersion. C'est ce qu'on a appelé le grand bombardement tardif. C'est ce qu'on avait appelé voilà, les grands bombardements tardifs, ou même les grands cataclysmes terminaux de la Lune. Mais après, des meilleures analyses permises par des nouvelles machines, les géochimistes ont réanalysé les échantillons Apollo, toujours les mêmes échantillons, parce qu'on n'est jamais retourné sur la Lune depuis, pas encore. Ils ont, au lieu d'analyser la roche totale, la roche dans sa globalité, ils ont commencé à regarder les minéraux à l'intérieur de la roche. Et là, ils ont pu faire un travail beaucoup plus fin et dater non pas seulement les impacts que la roche dans sa globalité a enregistrés, mais la datation des impacts que les minéraux individuels ont pu enregistrer. Et là, on s'est aperçu, et c'est pas vrai que la Lune, au départ, il y avait un très faible taux de bombardement de la Lune qui a augmenté soudainement 700 millions d'années plus tard. C'était un artefact, justement, qu'on regardait seulement les derniers grands impacts, en gros, avec les premières mesures. Donc, on s'est aperçu qu'en fait, il n'y a pas une augmentation d'impact 700 millions d'années plus tard, mais le nombre d'impacts était très, très haut après la formation de la Lune et a décliné dans les temps, lentement, pour se réduire vers il y a 4 milliards d'années et puis se réduire vers les valeurs actuelles. Donc du coup, il n'y a plus raison de penser que l'instabilité des planètes géantes a eu lieu si tard. L'instabilité des planètes géantes peut avoir eu lieu quelques dizaines de millions d'années, peut-être dans la première centaine de millions d'années après la disparition du disque des gaz, et ça explique bien les données. Alors ce grand bombardement tardif, c'est l'un des éléments du modèle de Nice qui a été légèrement réévalué. Toutefois, alors on vous sait modeste, mais ce modèle de Nice, il y a quand même un avant et un après. Pourquoi, selon vous, il y a eu un tel accueil unanime, enthousiaste, alors qu'on sait que quand on arrive avec une nouvelle théorie, généralement, on est attendu au tournant. Pourquoi ce modèle-là a particulièrement enchanté la communauté scientifique? C'était un peu une surprise, je dois dire, que quand on a publié les papiers, je disais, bon, les gens vont nous prendre un peu pour des fous, ça va être vite oublié. Et non, la communauté a réagi avec beaucoup d'enthousiasme. La communauté, normalement, la communauté scientifique, normalement, est très réactionnaire. Donc, on a peur des idées nouvelles, parce que chaque idée nouvelle, en fait, secoue un peu les cocotiers. Donc, mais là, je dois dire que les gens ont vraiment accepté cette idée très rapidement. C'était une rupture paradigme. C'était un nouveau degré de liberté qui s'ouvrait dans les recherches. Et tout d'un coup, on pouvait comprendre justement des phases violentes, donc on voit des traces dans les systèmes solaires actuels qu'on comprenait pas auparavant, et aussi cette diversité planétaire, du coup, parce que si on passe par des phases violentes et chaotiques, c'est clair que la diversité découle de là. Donc la communauté a réagi très positivement. Il faut dire aussi que tout de suite, d'autres groupes ont commencé à refaire nos simulations, peut-être pour essayer de démontrer qu'on avait fait faux, mais en fait, ils ont trouvé les mêmes résultats. La communauté s'est très vite emparée de ces modèles. C'est devenu un peu comme Wikipédia, on construit la première page, mais après les gens modifient derrière et l'améliorent. Aujourd'hui, on l'appelle toujours modèle de Nice. J'ai presque du mal à le reconnaître comme modèle de Nice. C'était repris par des gens aussi aux États-Unis, etc. Et amélioré et consolidé. Et aujourd'hui, je dois dire, surtout après les travaux d'un collègue et ami tchèque qui travaille aux États-Unis, les modèles de Nice arrivent à reproduire dans peu de simulations, dans peu de cas, mais dans certaines simulations, il arrive à reproduire la structure du système solaire avec une finesse qu'il n'y a pas de modèle concurrent. Il n'y a vraiment pas de modèle concurrent. Et donc, voilà, quand on arrive à expliquer autant de choses, faire des prédictions qui sont ensuite confirmées par les observations, les modèles sont vraiment validés. et accepté, et on passe à autre chose. C'est-à-dire, on passe à étudier ce qui s'est passé avant les modèles de Nice. Voilà, et bien justement, puisque vous parlez de cette suite au modèle de Nice, restez avec nous, parce qu'on va poursuivre ensemble cette enquête dans le temps et dans l'espace de notre système solaire avec vous, Alessandro Morbidelli, ce sera juste après la musique. What do the planets mean? And have you ever seen sunrise in the morning? It shined when you were born. Saturn has rings all around it. I searched the sky and I found it. Solar System par The Beach Boys dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous retraçons tout au long de cette heure l'histoire du système solaire en compagnie de l'un des pères du modèle de Nice, Alessandro Morbidelli, mathématicien, mécanicien céleste et planétologue, directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur de Nice et président du groupe thématique Système solaire au CNES. On a parlé avant la musique de ce modèle de Nice qui a été tout de même un tournant dans l'histoire de la compréhension de la formation du système solaire, Alessandro Morbidelli. On va peut-être évoquer ensemble, alors on évoquait le fait que quand on propose un nouveau modèle, on est attendu au tournant. Fort heureusement, depuis 2005, il y a eu des découvertes qui ont été également dans le sens de ce modèle de Nice. La simulation a finalement été confirmée par des trouvailles, par des observations. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques exemples de ces découvertes, observations? Oui, quand on propose un modèle pour expliquer des observations, donc déjà c'est un succès si les modèles peuvent expliquer des observations connues. Mais il y a toujours une petite pensée que bon, les gens s'arrangent pour choisir les bons paramètres, etc., pour reproduire ce qu'on connaît. Et donc, la preuve ultime d'un modèle est celui de faire des prédictions, donc de prédire des observations qui n'existent pas encore, et ensuite, les observations confirment que ces prédictions sont correctes, parce que là, on n'a pas pu ajuster rien, on a vraiment pris des risques. Donc, les modèles de Nice faisaient deux prédictions très fortes. L'une était que les objets, les petits corps qui partagent l'orbite de Jupiter, qui s'appellent les Troyens de Jupiter, ont été capturés depuis ces disques transneptuniens. Ils ont été capturés de ces disques, ils doivent avoir les mêmes propriétés, à la fois propriétés physiques et à la fois des propriétés, par exemple, distribution des tailles, les rapports entre les objets petits et les objets grands, parce que les uns sont dérivés des autres. Alors, au départ, quand on avait fait cette prédiction, on ne connaissait pas suffisamment bien ni la ceinture de Kuiper, ni les Troyens. Mais beaucoup d'eau a coulé sur les ponts, et les observateurs ont essayé de regarder la chose en détail. Et effectivement, c'est confirmé. Les Troyens de Jupiter et les objets transneptuniens ont les mêmes propriétés, ont les mêmes couleurs et ont la même distribution des tailles, au point que quand la NASA a décidé de lancer une sonde vers ces Troyens. Donc la sonde Lucie, à laquelle on a consacré une émission il y a peu. On va vous partager le lien sur le fil Twitter. Exactement. L'un des critères était de dire les modèles de Nice démontrent que ces objets viennent de la ceinture transneptunienne, et donc c'est l'occasion d'étudier des objets distants que, heureusement, on a été piégés relativement près de nous. Donc c'est devenu vraiment accepter que les Troyens, les objets transneptuniens, c'est la même chose. Donc ça, c'est la première prédiction confirmée. La deuxième prédiction confirmée concerne les comètes. Il existe deux familles de comètes, les comètes à courte période et à longue période. Actuellement, dans le système solaire d'aujourd'hui, elles viennent de deux endroits différents. Donc les comètes à courte période viennent de la ceinture de Kuiper, ce qui reste de ces disques transneptuniens au-delà de Neptune. Les comètes à longue période viennent du nuage des Oort depuis 20 000 unités astronomiques. on pensait, avant les modèles de Nice, que, à l'origine, les objets de la ceinture de Kuiper et du nuage de Oort étaient dans des positions différentes, se sont formés dans des positions différentes du disque, du système solaire, et donc pouvaient être différents. Les modèles de Nice disent que non, les objets se trouvent aujourd'hui à deux endroits différents, mais au départ, ils étaient au même endroit, ils se sont formés à la même place, et donc sont frères et sœurs, et doit y avoir statistiquement aucune différence entre les deux populations. Quand on a émis cette prédiction, les gens disaient « Ah, c'est pas vrai, regarde, quand on regarde les compositions isotopiques, notamment de l'hydrogène a deux isotopes, le deutérium et l'hydrogène, quand on regarde les comètes qui viennent du nuage de Oort, le rapport deutérium sur hydrogène est très élevé, quand on regarde les comètes à courte période, le rapport deutérium sur hydrogène est un peu plus faible. Donc tu vois, il y a une différence systématique, donc vous avez tort. » Et après, la mission Rosetta est partie, la mission Rosetta de l'ESA, a visité une comète à courte période, a mesuré ce fameux rapport deutérium sur hydrogène de cette comète à courte période, et qu'est-ce qu'elle a trouvé? Un rapport qui est encore plus grand que celui qu'on mesurait dans les comètes à longue période. Donc, statistiques, les comètes sont un peu différentes entre elles, comme nous, comme un individu, nous sommes tous différents entre nous, mais statistiquement, elles ont les mêmes propriétés, courte période, longue période, peu importe, parce que, effectivement, ça confirme notre prédiction, qu'ils sont juste frères et sœurs, et se sont formés dans les mêmes portions du disque du système solaire, et ceci, je dirais, a validé définitivement les modèles. Alors ça, c'est pour la validation de ce modèle-là, qui, fort heureusement, pour la recherche scientifique, n'explique pas tout. Est-ce que ce modèle, voilà, laisse la place encore à des anomalies inexpliquées du système solaire? Et si oui, quelles sont les principales énigmes restantes que n'explique pas le modèle de Nice? Il faut élucider ce qui s'est passé avant, dans cette fameuse phase du disque, quand les planètes hésimaux se forment et les planètes commencent à se former et les planètes migrent. Donc les modèles de Nice validés nous permettent de relier la structure actuelle du système solaire à la structure du système que le système solaire avait quand les gaz ont disparu. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe quand les gaz est là, dans la phase d'assemblage, de construction des planètes, pour aboutir aux conditions initiales du modèle de Nice. Et ça, justement, donc, vous avez continué à le faire, puisque en 2011, d'une certaine façon, vous avez réitéré l'exploit dans cette enquête vers la source, vers la formation, vers la genèse du système solaire, avec cette fois un nouveau modèle, le modèle qu'on appelle du grand tac ou du grand virement de bord. Alors, où est-ce que vous êtes allé observer? Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous avez cherché à modéliser, en tout cas, avec ce modèle du grand virement de bord? Et qu'est-ce que vous cherchiez à expliquer dans ce grand chaos que vous avez réveillé dans la formation du système solaire? Oui, donc on essayait d'étudier la migration des planètes géantes quand elles sont enfouies dans les disques des gaz. Les planètes interagissent gravitationnellement avec les disques, donc elles se déplacent. Et en particulier, on voulait comprendre, donc dans les conditions initiales du modèle de Nice, Jupiter doit être à 5 unités astronomiques. Or, quand on regarde les planètes extrasolaires, beaucoup de planètes comme Jupiter ne sont pas à 5 unités astronomiques. Ce qu'on appelle des Jupiters chauds. On a même les Jupiters chauds qui sont très très proches à l'étoile, mais après on a la plupart des Jupiters sont ce qu'on appelle des Jupiters tièdes, sont plutôt à une unité astronomique, sont à la place de la Terre, pas du tout à la place de Jupiter. Donc on voulait comprendre pourquoi notre Jupiter n'avait pas pris la place typique des planètes géantes extrasolaires. Et on a donc travaillé sur cette phase. Et on a compris que la clé est le fait que le système solaire a formé Jupiter, mais a aussi derrière formé Saturne. Et donc, si Jupiter se forme d'abord, elle migre vers le Soleil, donc elle approche l'unité astronomique, comme la plupart des planètes géantes extrasolaires. Mais si Saturne se forme tout de suite après, donc Saturne tend à migrer plus vite que Jupiter, un peu plus légère, donc un peu plus mobile, s'approche de Jupiter, et quand Jupiter et Saturne sont suffisamment proches, par un jeu gravitationnel, bon, un peu compliqué, je ne vais pas vous le décrire dans les détails, la migration s'inverse. D'où les noms grand tac, que en anglais veut dire la grand virée de bord, j'adore la voile, donc on change complètement de cap, on fait une virée de bord, et on repart dans l'autre direction. Donc c'est la naissance de Saturne, rattrape Jupiter, le rappelle en arrière. À ce moment-là, les planètes migrent vers l'extérieur, et c'est possible que Jupiter remonte jusqu'à 5 unités astronomiques à la disparition du disque de gaz. Donc, les fameuses conditions initiales du modèle de Nice, on a ainsi les raccordements. Là aussi, bon, ce type de dynamique qui a été vu à l'ordinateur, aujourd'hui, c'est confirmé dans les observations. Il y a un système autour d'une étoile, PDS-70, un peu barbare, où il y a un disque encore protoplanétaire, des gaz et des poussières, et il y a deux planètes géantes qui sont plus grandes que Jupiter et Saturne, mais ont les mêmes rapports de masse. Et on les observe, d'ailleurs, on observe avec les télescopes européens, les VLT, les instruments comme Sphère, et donc on parle des gens qui travaillent maintenant à l'Observatoire de Nice aussi, et on voit que ces planètes ont des orbites assez rapprochées, donc résonantes, comme celles qu'on invoque dans ces scénarios du Grand Tac. Et quand les gens ont pris les orbites observées et les disques observés et l'ont mis dans l'ordinateur pour voir leur dynamique, qu'est-ce qu'elles font ces planètes? Ben, elles migrent vers l'extérieur. Justement, quand vous parlez de résonance, on peut peut-être rappeler un petit peu ce qu'on appelle une résonance. Ça signifie oui, que quand... Les périodes orbitales sont un rapport des nombres entiers. Notamment, la planète externe a une période orbitale qui est double de la période interne. Voilà, je vous laisse continuer ensuite sur ce modèle du Grand Tac. Je crois que dans ce modèle-là, il y a une question qui s'est posée autour d'une anomalie, c'est la petite taille de la planète de Mars. Alors, pourquoi est-ce que cette petite taille vous interrogeait? Pourquoi est-ce qu'elle a été questionnée par ce modèle du grand virement de bord également? Une observation remarquable du système solaire est que parmi les quatre planètes telluriques, donc Mercure, Vénus, Mars et la Terre, il y en a deux petites, Mercure et Mars, aux deux extrémités, et deux grosses, Vénus et la Terre, qui sont au centre. Et en plus, si on regarde les temps qu'il a fallu pour former ces planètes, on les sait grâce aux analyses isotopiques, les chronomètres isotopiques des roches, etc. La Terre a mis beaucoup de temps pour se former, plusieurs dizaines de millions d'années. Bon, Vénus, on n'en sait rien, parce qu'on n'a pas d'échantillons. Mais Mars, il a terminé de grandir très vite, en quelques millions d'années seulement. Donc, qu'est-ce qui a, en gros, avorté la croissance de Mars? Elle a arrêté sa croissance, elle a donc gardé petite, alors que la Terre a continué à grandir pendant des dizaines de millions d'années encore, pour devenir finalement 10 fois plus massif que Mars. Alors que ce sont deux planètes à côté. La Terre est une unité astronomique, Mars est juste 50% plus loin, c'est pas énormément plus loin. Donc, les astronomes avaient compris qu'il faut qu'il y ait une très forte inhomogénéité dans la distribution de la matière solide à partir desquelles ces planètes se forment. En gros, il y avait pas mal de planétésimaux à une unité astronomique, et à une unité astronomique et demie, il n'y en avait pas. Et donc, du coup, quand Mars, en grandissant, a été poussé dans la région où il n'y avait plus de petits corps, ben, il s'est arrêté de grossir. Bon, très bien, mais pourquoi il y a cette distribution si anisotrope, donc si différente? Pourquoi il y a une telle chute des populations des petits corps? En 2011, on a dit, ben voilà, si Jupiter, quand il est seul, tend à migrer vers le Soleil, et après, quand il est rattrapé par Saturne, il part vers l'extérieur, pourquoi pas envisager que Jupiter soit descendu jusqu'à une unité astronomique et demie, donc en éliminant tout ce qu'il y avait sur sa trajectoire? Et après, Saturne l'a rattrapé, il est reparti vers l'extérieur, et donc du coup, on garde une grande densité, un grand nombre de planétésimaux en deçà d'une unité astronomique et demie, là où Jupiter n'est pas passé, et c'est là justement où va se former la Terre. Et par contre, dans la région balayée par cette migration aller-retour de Jupiter, les petits corps disparaissent, donc c'est une sorte de vide, et donc dès que Mars est propulsé par une rencontre avec la Terre dans cette région, il s'arrête à Crété. Et donc, c'était notre modèle, donc, qui combinait un peu c'était les premiers tentatives de combiner l'histoire de la formation des planètes telluriques à l'histoire des migrations des planètes géantes. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième volet de vos travaux de modélisation qui ont marqué la recherche en astronomie concernant la formation de notre système solaire. Si on continue un petit peu votre enquête, vous la poursuivez avec d'autres chercheurs. Alors, on fait un petit bond dans le temps pour arriver à aujourd'hui. Pour le reportage du jour, j'ai rencontré Sébastien Charnoz, avec qui vous avez collaboré, Alessandro Morbidelli, dans une étude récente. Sébastien Charnoz est planétologue au sein de l'équipe Cosmochimie, Astrophysique et Géophysique Expérimentale à l'Institut de Physique du Globe de Paris. Vous avez fait paraître ensemble une étude dans la revue Nature Astronomy en décembre 2021. Cette étude s'est penchée sur la formation des premiers corps du système solaire et a mis en évidence que cette formation avait eu lieu dans deux anneaux distincts. Sébastien Charnoz nous explique donc comment vous êtes parvenu à ces résultats et leurs conséquences potentielles sur notre compréhension de la formation planétaire. La question qui initialement a motivé ce travail, c'était de comprendre pourquoi, quand le système solaire s'est formé, on a formé en fait des objets à différents moments dans l'histoire du système solaire. Donc on sait que le système solaire s'est formé environ il y a 4,5 milliards d'années. Les plus vieux objets que nous possédons aujourd'hui, ce sont des météorites. Alors, il y a des météorites qui sont plus ou moins âgées. Les plus anciennes ont un nom rigolo, on appelle ça des chondrites. Eh bien, quand on regarde ces chondrites, ce qu'on voit, c'est qu'elles ont toutes à peu près 4,5 milliards d'années, mais quand on regarde en détail leur âge, on s'aperçoit qu'en fait, il y a de très légères différences. Il y en a qui ont l'air de s'être formées beaucoup plus tôt, c'est en particulier les météorites de fer, et certaines qui se sont formées un petit peu après, alors quelques millions d'années après. Alors ça pourrait paraître un détail par rapport à l'immense âge du système solaire, qui est de 4,5 milliards d'années. Mais ce décalage de quelques millions d'années était assez compliqué à comprendre, et en particulier, on s'aperçoit que les météorites les plus anciennes sont métalliques, alors que celles qui ne sont pas métalliques sont un petit peu plus jeunes. Et voilà, donc toute l'origine de cette étude, ça a été de comprendre pourquoi les météorites métalliques se sont formées les premières et pourquoi pas les météorites plus riches en roches. Donc c'est un travail qui nous apporte surtout des informations sur le contexte de formation des planètes, une période dont on a presque perdu toutes les traces aujourd'hui, dont les seules traces qui nous restent sont contenues dans les météorites. Et justement, tout le travail, c'est de décrypter, consiste à essayer de décrypter cette information. À partir de ce mystère-là et de ce constat-là, quelles hypothèses vous avez formulées sur les lieux de formation, sur le lieu ou les lieux de formation de ces premiers corps ? En gros, si vous voulez, quand vous regardez ces chondrites les plus anciennes, on a l'impression qu'une partie du matériau s'est formée par une sorte de phénomène de condensation. Donc ça, c'est un processus qui est assez connu en fait en physique, mais depuis plusieurs siècles. C'est que quand vous prenez un gaz chaud et que vous le refroidissez, eh bien des petites gouttelettes de matériaux vont commencer à apparaître. Et ce phénomène le plus connu marche avec l'eau. Bon, on pense d'ailleurs que ce phénomène s'est formé, s'est passé dans le système solaire, mais non pas en formant des gouttelettes d'eau liquide, mais en formant des gouttelettes de glace dans un endroit qu'on appelle la ligne des neiges, qui est peut-être entre Mars et Jupiter. Bon. Donc on a cette idée qu'un gaz doit se refroidir. Alors là, l'idée, c'est d'appliquer le même raisonnement, mais non pas à des gouttelettes d'eau, mais carrément d'appliquer ça à des gouttelettes de roche. Alors ça peut paraître un peu étonnant que les roches puissent se condenser comme des gouttelettes, mais c'est pas si stupide. Si vous prenez de la roche et que vous la chauffez à 2000 degrés, vous allez la vaporiser. Okay. Et si vous vous mettez à refroidir ce gaz de roche progressivement, vous allez vous apercevoir, vous allez former des petites gouttelettes de roche, des gouttes de roche. Donc, toute l'idée, ça consistait à dire que peut-être que pour former ces premiers matériaux riches en fer, peut-être qu'il faut aller dans un endroit très chaud, parce que le fer, lui, va se former aux alentours d'à peu près 1400 degrés. Et le seul endroit dans le système solaire qu'on connaisse où peut faire une telle température, bah, tout simplement et sans surprise, c'est au voisinage du Soleil. Donc c'est peut-être à l'intérieur même de l'orbite de Mercure. Voilà. Donc l'idée, c'était de dire que peut-être qu'on a formé les premières météorites de fer dans un environnement très chaud, par ce fameux processus de condensation dont je viens vous en parler. Et alternativement, mais ça c'est une idée qui est connue depuis, enfin une idée qui traîne dans la communauté depuis beaucoup plus longtemps. On pense que les météorites qui ont été beaucoup plus riches en eau, elles se sont formées beaucoup plus loin, peut-être dans cette région dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on appelle la ligne des neiges, qui se trouve aux alentours de Mars. Donc si on résume, le grand apport de cette étude-là, c'est justement de prouver, ou en tout cas de postuler de façon plutôt convaincante, qu'il y a deux lieux de formation de ces petits corps-là. Quelles seraient les spécificités chimiques de ces deux lieux-là et leur localisation géographique dans l'espace ? Alors, oui, effectivement, c'est ça toute l'idée, parce qu'en fait, depuis 10 ans dans la communauté, il y a quand même un commun accord, parce qu'il y a pas mal d'études convergentes, dont des études qu'on a fait ici en France, qui montrent que un des endroits privilégiés pour former les météorites, c'est aux alentours de cette ligne des neiges dont je vous ai parlé vers Mars. Voilà. Là, on peut concentrer la roche, on peut concentrer beaucoup de glace, c'est un très bon endroit. Mais ce qui résistait toujours à l'analyse, c'était d'essayer de former ces météorites de fer, dont on sait qu'elles se sont pas du tout formées dans un environnement où il y avait de la glace. Et surtout, si vous avez deux populations d'objets qui ont des âges différents, on ne voyait pas comment on pouvait former ces météorites de fer à la ligne des glaces, par exemple, bien avant les météorites de roche. Voilà. Donc toute l'apport de cette étude, ça a été de concentrer l'étude sur la région vraiment très très proche du Soleil. Et là, effectivement, on a montré que, au fond, c'est le même mécanisme qui se passe à la ligne des neiges, mais qu'on reproduit avec du matériau beaucoup plus, on appelle ça du matériau réfractaire, du matériau qui se condense à beaucoup plus haute température. On reproduit exactement le même mécanisme, mais à une distance très proche du Soleil, environ à un dixième, entre un dixième et un centième d'unité astronomique. Quelles conséquences cette étude-là peut avoir sur la compréhension du processus de formation planétaire ? La principale conséquence, à mon avis, c'est de montrer en fait que le processus de formation planétaire a commencé très très tôt, en même temps même que la formation du Soleil. Parce que ce que je vous raconte ici, le Soleil n'était pas encore formé. Le Soleil était à cette époque en fait une proto-étoile, sûrement encore beaucoup moins massive que peut-être, il devait avoir peut-être que 10% de sa masse actuelle, le Soleil. Voilà. Et ça, c'est vraiment une idée qui traverse la communauté depuis une dizaine d'années. D'ailleurs, nous-mêmes, on a un gros projet en France où on travaille, une dizaine de chercheurs travaillent sur cette idée. C'est l'idée que vraiment le processus de formation planétaire commence en même temps que la formation du Soleil. Et peut-être même que ces météorites de fer, elles sont peut-être même encore plus vieilles que le Soleil lui-même. Alors attention, peut-être pas beaucoup. Après, il y a toute la question, qu'est-ce que ça veut dire que le Soleil naît? Parce que le Soleil naît, il n'apparaît pas brutalement, le Soleil. Il va mettre un certain temps pour s'assembler. Mais en tout cas, ça veut dire que l'assemblage des premiers grains qu'ont formé les planètes, ça a dû avoir lieu en même temps que le Soleil lui-même devait s'assembler. Et donc c'était un moment très intéressant dans l'histoire du système solaire, et ça on commence à le comprendre maintenant uniquement grâce aux observations et aux simulations numériques, que la naissance des planètes commence alors même que un vieux nuage qui aujourd'hui est disparu, qu'on appelle un cœur dense, était en train de s'effondrer et donner naissance à notre Soleil. Et toute l'idée de ça, c'est que justement, on s'aperçoit que faire cette hypothèse nous permet de beaucoup mieux comprendre en fait la composition du matériau dont sont faites les planètes, parce que cette hypothèse lève beaucoup de difficultés dans la compréhension de formation planétaire. Voilà pour ce reportage à l'IPGP avec Sébastien Charnoz. Alessandro Morbidelli, il nous reste malheureusement plus qu'une toute petite minute. On perçoit bien là ici que les travaux de recherche continuent d'avancer. Vous avez postulé deux modèles qui ont été reçus avec succès. Comme on dit, jamais 203. Alors sur quoi vous travaillez actuellement? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dans les 30 secondes qui nous restent pour finir l'émission? Mais là, on devient plus ambitieux, c'est-à-dire on cherche vraiment à lier entre les différentes étapes, donc la formation des premiers planétésimaux dont parlait Sébastien, la formation des planètes géantes, leur migration, la croissance de la Terre, donc combiner toutes ces étapes d'une manière cohérente qui pourrait vraiment expliquer dans les détails les systèmes solaires, dans les détails la formation de la Terre et pas seulement sa masse, son orbite, mais aussi ses propriétés chimiques et isotopiques. Et j'ai eu la chance de recevoir un gros financement par le Conseil européen de la recherche. Et donc les prochains 5 ans de ma vie seront consacrés avec mes collaborateurs à essayer d'établir ces projets, ces modèles ultimes de la formation. Eh bien, on a hâte de lire ce modèle ultime. Merci beaucoup Alessandro Morbidelli. On aurait pu rempiler pour une heure pour vous écouter parler de la formation du système solaire. À très bientôt. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Tom Umdenstock, Alexandra Delbo, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Mariam Ibrahim, Amel Boucharka, Natacha Triou, Nicolas Martin, Olivier Bétard à la réalisation, à la technique aujourd'hui Arthur Dumont. La Méthode Scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et ça, c'est à l'infini.